suis un voyou. Je suis un gangster, un sacré filou. Révolutionnaire, je me suis pas rendu compte, j'aurais pas dû faire ça. J'en ai même presque honte, je n'avais pas le droit. J'étais en centre-ville, sur une deux fois deux voies, et je me suis fait lâcher à 53. Je suis un voyou, je suis un gangster, un sacré filou. Révolutionnaire. Eh ouais, faut plus me faire chier maintenant. C'est comme ça.